Le jeudi 4 août, il est 12h30. Voici vos informations. De gros changements d'abord à la direction de l'Amphithéâtre de Québec. Benoît Roberge quitte la direction du Centre Vidéotron. Il était depuis 2 ans le président du groupe Sport et Divertissement pour Québécois. C'est nul autre que le PDG de Québécois, Pierre Dion, qui s'occupera à présent de ses fonctions, signe que l'Amphithéâtre et le retour d'une équipe de la LNH à Québec sont une priorité pour l'entreprise. Mentionnons que Benoît Roberge a indiqué qu'il voulait retourner aux études, mais aux États-Unis avec sa famille, où il a déjà résidé de nombreuses années. À Québec, Benoît Roberge a notamment piloté l'organisation des fêtes d'ouverture de l'Amphithéâtre, ainsi que les premiers mois d'occupation de l'Amphithéâtre. L'ancien gestionnaire restera à l'emploi de Québécois, mais cette fois comme conseiller spécial. Ainsi, il pourra faire profiter encore Québécois de ses contacts et de sa connaissance aussi du marché américain en matière de sport. Et le registre de condoléances de la députée Sylvie Roy a été mis à la disposition du public ce matin. Ceux qui veulent le signer ou encore lui rendre hommage, finalement, peuvent le faire jusqu'à demain, 16h, dans le hall de l'Assemblée nationale ou encore sur le site Internet du Parlement. C'est Gérard Deltel qui a été le premier ce matin à écrire un mot dans le document. L'actuel député fédéral de Louis-Saint-Laurent a siégé auprès de sa collègue Sylvie Roy pendant 7 ans, de 2008 à 2015. Soulignons aussi que c'est lundi prochain que seront célébrées à Trois-Rivières les funérailles de la députée d'Arthabasca. La plupart de ses anciens collègues de la Coalition Avenir Québec seront présents, ainsi que l'ex-chef de l'ADQ, Mario Dumont, qui devrait prendre la parole. Le premier ministre Philippe Couillard a lui aussi confirmé sa présence. Rappelons que Sylvie Roy est décédée subitement dimanche dernier, à l'âge de 51 ans. Chez nous, l'association hôtelière de la région de Québec part en guerre contre le projet de condo LB9 dans le secteur Le Bourgneuf. Le promoteur groupe Bolduc affiche fièrement que les futurs propriétaires pourront offrir leur logement sur la plateforme Airbnb. L'association hôtelière considère qu'il s'agit d'une publicité trompeuse. Le promoteur ne disposerait pas des autorisations nécessaires auprès de la Corporation de l'industrie touristique de Québec. Le zonage de la ville de Québec ne permettrait pas non plus une telle activité à Le Bourgneuf. Les propriétaires d'un condo LB9 pourraient ainsi se retrouver en situation d'illégalité si leur activité sur Airbnb était fréquente et se faisait à des fins lucratives. Terminons dans le quartier Limoilou où 3 individus ont été arrêtés pour avoir braqué une arme sur des passants. Ils comparaîtront aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Les événements ont eu lieu hier vers 18h. 3 hommes âgés dans la vingtaine qui ont pointé une arme de type Airsoft alors qu'ils circulaient en voiture. C'est une arme qui peut facilement être confondue avec une arme à feu, de quoi donner toute une frousse aux passants, même si leur sécurité n'a jamais été mise en jeu. Voilà pour les actualités. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL.